je vous dis, mes mots me manquent un petit peu. Je crois que c'est le moment de passer à l'enceinte du jour. C'est l'enceinte du jour qui nous vient. Est-ce que tu voudrais d'abord nous faire écouter la voix de Olga, ou c'est après qu'on fait intervenir Olga ? Alors, on fera intervenir Olga. Avant, on va faire intervenir son collègue éminent de la MEG, Thierry Simoneau, qui nous explique cette enceinte du jour que nous faisons écouter tout de suite. Yes. Mais dis-moi, Thierry, quelle est cette enceinte ? Eh bien, c'est une Genelec 8030C. Magnifique. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu plus précisément ? Bien volontiers. Il s'agit d'un petit moniteur de studio dans une boîte en aluminium avec un tweeter et puis un élément pour le grave. C'est un haut-parleur auto-amplifié, puis ça sonne très joli, mais c'est un peu petit. Et quelle place est-ce qu'elle occupe dans l'acousmonium ? Eh bien, elle occupe la place avec trois autres frangines d'une quadriphonie très très proche du public, qui est vraiment peut-être les haut-parleurs les plus proches qu'on a dans tout le dispositif. Et quand on ouvre la tirette, les quatre sonnent autour de nous. Est-ce que tu peux nous la faire écouter ? Mais bien volontiers. Donc là, c'était les quatre. Non, c'était une seule. Une seule, d'accord. Et il y a quatre faders pour une seule enceinte. Ouais, en fait, il y a un fader pour quatre enceintes, mais parce que sur la console, quand on est dans la partie de jeu, ben, si on a 4 faders pour les 4 petites ici, ben, on n'a plus assez de faders, ça fait un porte-avions gigantesque. Donc on a un fader qui contrôle 4 enceintes, mais dans lesquelles, si on a besoin, on peut mettre 4 sources différentes. Ça pourrait être une vraie quadriphonie. D'accord, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Antoine. Et c'était donc la fin de l'enceinte du jour. Il faut lutter contre la fadeur, contre la monophonie ambiante. Et c'est tout le travail très difficile de la MEG que l'on remercie d'animer ce salon d'écoute de façon aussi fantastique. On a un petit message du salon d'écoute, pratiquement en direct. Je vous le fais écouter. Je crois qu'il y a un problème avec l'enceinte du jour. Voilà, donc vous voyez. Je crois qu'il y a un problème avec l'enceinte du jour. C'est quoi l'enceinte ? Je crois qu'il y a un problème avec l'enceinte du jour. Voilà. Ce message nous est parvenu par le téléphone, oui, d'Olga Kokcharova, elle aussi éminente membre de la MEG et qui participe au salon d'écoute et à l'animation de l'acousmonium. La suite. Merci beaucoup, Antoine.